يطلبها ما يطلبه مكتوب من شر مكتوب من شرط تم. أما تزوجني على شرع وسلوم ولا فتقصدني وتدخل جهنم، عيني تراقبها ولا ذاكت النوم، أشقتها أشق المعنى لكلثوم، أشقت بدلتها ورتبة مقدم، ودي تطيرني على الجو وتحوم كما طير الفضاء حين حوم، من طائرتها نزلت غاز مسموم، صابت فؤادي بالغرام المحكم. Donc alors ça c'est là c'est on sort un petit peu des histoires drôles pour vous mettre aussi un petit peu dans l'ambiance de la poésie, parce qu'il y a énormément de poésie qui s'est écrite au cours de tous ces événements politiques, énormément bien sûr de poésie politique, soit par les Houthis contre les Saoudiens, soit des partisans de Abdelrab Mansour contre les Houthis, etc., etc. Et là c'est quand même un cas très très très particulier. Il se trouve qu'il y a parmi les aviateurs qui bombardent le Yémen une femme dans l'armée de l'air imarati, une femme officière qui s'appelle Maryam Mansouri, qui est assez jolie aussi. On n'a pas sa photo là, mais elle est pas mal du tout. Il y en a halwa, une belle femme. Et alors, il y a des Yéménites qui lui ont écrit des poèmes. Et donc là, Fatima nous a... Ça montre leur côté chevaleresque et leur côté en même temps romantique et leur côté finalement extrêmement spontané, parce que c'est pas parce qu'elle est contre eux que voilà, ils vont pas l'admirer. Et donc, ils ont écrit ce poème. Alors, je vais pas vous citer tout. Je vais essayer de vous traduire juste un... Ah donc, le poète, en gros, c'est un poète de Mareb. Il écrit ce poème au cheikh Al Maktoum, parce qu'apparemment, elle est de Dubaï. Donc, c'est le cheikh de Dubaï, pour lui demander, en fait, la main de l'officière Maryam Al-Mansouri. Et donc, il lui dit je suis tombé amoureux d'elle comme El Mouanna de Khaltoum. Donc, Khaltoum, c'était une femme. Dans l'ancien temps, dont était tombé un poète arabe ancien. Je suis tombé amoureux de son badlé, de son uniforme. Je suis tombé amoureux de son uniforme et de ses galons de commandante. Et j'aimerais bien qu'elle m'emmène sur son avion, qu'elle me fasse envoler sur son avion et qu'elle me fasse planer comme planent les oiseaux dans le ciel. Avec son avion, elle nous a envoyé un gaz empoisonné qui m'a touché le cœur et m'a rendu complètement amoureux. Voilà, donc vous voyez, il y a de la ressource au Yémen, malgré la guerre.